Difficile de caser de la lecture dans votre emploi du temps? Avec l'appli Audible, c'est possible. Pendant votre trajet quotidien ou avant de vous endormir, plongez dans un livre audio avec Audible. Romans, polars, coaching ou jeunesse, écoutez-les sur votre smartphone. N'attendez plus. Téléchargez l'appli Audible, le premier livre audio est offert. Le fantôme d'Asiadé, d'après Pierre Loti. Lu par Xavier Gallet. Réalisation Baptiste Guiton. Dernier épisode. Depuis 7 ans, Asiadé est couché dans la terre. À quoi bon ce que je vais faire? Quelle leurre d'enfant que cette visite à sa tombe! Pauvre petit Asiadé, tant de choses que je n'ai jamais su lui dire et qui me brûlent maintenant et que je lui dirais là si on pouvait me la rendre seulement pour quelques minutes, pour un entretien suprême. Lui dire que jamais ne s'éteindra le regret de l'avoir perdu, lui demander pardon de vivre et d'être encore jeune et d'aimer encore. Dans mes malles, j'ai rapporté ici un de ces costumes turcs très brodés que les hommes du peuple mettent les jours de fête. Je le portais dans notre logis le soir. Asiadé m'avait fait jurer aussi que je reviendrais avec ce costume-là, qu'elle le reverrait, que dans ce costume, je l'arracherais de son harem. On nous marie. Tu sais de quelle manière, Loti? Nous sommes prisonnières dans des demeures où nous passons nos journées alanguies sur des divans de satin, entourés d'esclaves. Dans ce ménage, à toute heure, nous sommes menacés par le caprice d'un époux qui peut le briser ou bien y introduire une étrangère. On nous marie sans notre aveu. Souvent, il est vrai, l'homme que le hasard ainsi nous procure est doux et bon, mais nous ne l'avons pas choisi. Nous nous attachons à lui avec le temps. Mais ce n'est pas de l'amour. Si tu es mariée, Loti, cela ne fait rien. Je ne serai plus ta maîtresse, je serai ta sœur. Marie-toi, Loti. J'aime mieux ton âme. Te revoir seulement, c'est tout ce que je demande à Allah. Après cela, je serai presque heureuse encore, je vivrai pour t'attendre. Tout ne sera pas fini pour Asiadé. Tiens, Loti, ceci est un cadeau que je te fais. C'était une lourde bague en or martelé, sur laquelle était son nom. Depuis longtemps, elle rêvait de me donner une bague, sur laquelle j'emporterais dans mon pays son nom gravé. Je lui fis sur sa demande le serment que cette bague ne me quitterait jamais, que je la porterais toute ma vie. Je l'avais condamnée, elle que le hasard m'avait jetée dans les bras, à n'aimer qu'un rêve, à n'aimer que cela. En bas, j'aperçois 2 femmes qui m'attendent. Rien que 2, Anaktar Shiraz et la sœur d'Akhmet. La 3e, Khadija, la plus désirée et l'essentielle. Pourquoi donc n'y est-elle pas? Qu'y a-t-il encore, mon Dieu? A-t-elle refusé de me voir? Ou bien est-elle morte? Et alors ce serait fini. Personne au monde ne saurait plus me conduire. J'apprends que la pauvre vieille est infirme, clouée sur un grabat, incapable de faire un pas. Vous a-t-il dit où se trouvait la tombe? C'est sur l'autre rive qu'est la tombe, mais très loin, en dehors des murs, dans la campagne, en dehors des murs de Stamboul, c'est là qu'on l'a mise. Je me représente cette région désolée, de suprême abandon, faite de landes et de bois de cyprès, qui s'étend au pied des vieux remparts immenses, depuis le Fanard jusqu'aux sept tours. Tout ce funèbre désert, d'une dizaine de kilomètres de longueur, où l'on enterre au hasard les morts obscurs, c'est là qu'on l'a mise. Et comment découvrir sa chère petite tombe ? Si cette Khadija, qui est seule à la connaître et qui sans aucun doute n'a plus longtemps à vivre, ne peut venir aujourd'hui même, à n'importe quel prix, me la faire voir. Qu'on fasse vite. Vite. Nous descendons jusqu'à la Corne d'Or. Là, pour une pièce, je loue un grand caïc afin de passer sur l'autre rive. Des minutes se passent dans une attente silencieuse. Les deux femmes en robe noire, assises, la tête dans les mains, l'une à ma droite, l'autre à ma gauche, comme des pensées de mort qui auraient pris forme humaine. Nous débarquons dans le sombre Fanard, à l'échelle la plus voisine du quartier où habite Khadija. Puis nous grimpons, accompagnés par des porteurs, les rues en escalier, entre des murailles croulantes. Les rares passants se retournent à notre passage et nous regardent d'un air d'inquiétude hostile. Nous parvenons enfin devant une maison délabrée de trois étages. Toutes les fenêtres sont fermées. Dans la pénombre, accompagné des deux vieilles qui me suivent, je monte jusqu'au dernier étage en tâtonnant. Je veux ouvrir la porte qui résiste. La sœur d'Achmet m'écarte et sa main s'enfonce dans un trou du mur, rencontre le verrou à l'intérieur et le pousse. Alors la porte s'ouvre en grinçant légèrement sur ses gonds rouillés avec un bruit qui met ma tête en déroute. Dans un taudis sans nom, dans une soupente noire, Khadija est étendue sur des loques horribles, geignant faiblement comme une pauvre bête malade. Mais c'est bien elle. Et je crois qu'aucun visage, ni aucune chose revue à Istanbul, ne m'ont impressionné comme cette vieille figure noire où il y a je ne sais quel mélange d'animalité qui se décompose et de bonne âme fidèle qui s'en va. Elle est la dernière des dernières, négresse esclave de naissance. À présent, débris à peine humain qui finit de misère sur un fumier. Elle me tend ses pauvres mains ridées, tordues, effrayantes. Nos yeux se pénètrent et se comprennent. Elle se lèvera malgré son mal. Elle se laissera conduire, emporter. Elle fera tout ce que je voudrais, au risque d'en mourir ce soir, heureuse du rôle ultime qu'elle va jouer entre sa maîtresse et moi. La vieille Khadija, enveloppée dans une couverture de laine épaisse, est transportée sur la chaise de velours par les élégants porteurs aux costumes brodés qui ne cachent pas leur dégoût et leur effroi. Souriant, malgré sa douleur, de tout ce luxe, Khadija, d'une voix nette, donne ses ordres et indique par quelle porte de Istanbul il faudra sortir. Je loue un cheval et je commande au porteur de courir. Toute la procession se met en route. Des enfants qui voient passer grand train cette chaise escortée par ce cavalier doré et ses deux vieilles regardent par les lucarnes de verre pour voir la belle qu'on emporte là-dedans si vite et puis s'épouvantent de cette figure de ténèbres. Nous cheminons longtemps au milieu de quartiers presque inhabités. Puis enfin, la gigantesque muraille crénelée qui enferme tout cela nous apparaît. Nous en sortons par d'antiques portes ogivales qui se succèdent en voûtes obscures et nous voici dans la campagne, dans le désert des tombeaux. En avant, c'est l'interminable région des sépultures. Lande d'un gris roux, avec, çà et là, des bouquets de cyprès noirs. Un peuple de tombes couvre ce sol. Pierres debout qui sont de tous les âges, de toutes les époques de l'histoire. Cette terre aride est pleine d'ossements de morts. Quel plaisir d'être sur ce bon cheval jeune. Le plaisir de fendre l'air vif et pur, un beau matin de soleil. Je trotte, le cœur presque léger. Je venais rarement de ce côté. Une fois, cependant, nous y avions fait une promenade. Heureux comme deux enfants de nous trouver ensemble en plein jour, elle et moi, une après-midi de décembre, choisissant ce lieu parce qu'il était plus désert. Oui, c'était ici une de nos grandes imprudences. Peu avant mon départ, la mission française que je commandais s'achevait. L'ordre de départ était arrivé comme un coup de foudre. Je devais appareiller dans 3 jours. On avait dans les bureaux décidé de ma nouvelle affectation, l'Orient. En Bretagne. La marine nationale ne manque pas d'humour. Nous nous efforcions d'être gais, tous les deux, gais, d'être jeunes et libres, en plein vent comme tout le monde, de respirer à pleine poitrine le bon air vif et piquant des beaux jours d'hiver. Autour d'une fosse creusée au bord du chemin, on enterre ainsi les morts n'importe où, le long des routes ou au pied des murs. 2 popes priaient et des femmes grecques entouraient un petit cadavre à découvert sur une civière. C'était une jolie petite fille de 4 ou 5 ans qui semblait endormie sur des coussins. Elle était vêtue d'une élégante robe de mousseline blanche et portait sur la tête une couronne de fleurs. Approchons-nous. Dit Aziyadeh, redevenu enfant. On nous donnera des bonbons. On avait dérangé pour creuser cette fosse un cadavre qui ne devait pas être fort ancien. La terre qui en était sortie était pleine d'ossements et de lambeaux de diverses étoffes. Il y avait surtout un bras, plié angle droit, dont les os, encore rouges, se tenaient au coude par quelque chose que la terre n'avait pas eu le temps de dévorer. Quand l'enfant fut couché tout au fond sur le sol humide, sans planche, sans bière, on jeta sur elle cette terre malsaine. Tout tomba dans le trou sur la jolie petite figure, y compris les vieux os et le vieux coude. On nous donna des bonbons, en effet. J'ignorais cet usage grec. Quand Aziyadeh tendit la main pour recevoir les siens, ses yeux étaient pleins de larmes. « Je ne sais pas si tu reviendras, Loti. Allah seul le sait. Mais comment pourrais-je t'attendre 1 an, Loti ? Comment cela se pourrait-il quand je ne sais plus rester 1 jour, non pas même 1 heure, sans te voir ? C'est impossible. Si tu reviens... Tu retrouveras Aziyadeh morte. » Khadija frappait contre la vitre de sa chaise pour faire signe d'aller doucement. Nous devons approcher. Je la vois qui regarde, les yeux dilatés, qui cherche. Ah, elle a dû la voir, car elle arrête ses beaux porteurs d'un geste de commandement. Anaktar Shiraz et la sœur d'Akhmet l'aident à descendre. Soutenue par les 2 vieilles, elle marche presque, l'infirme. Elle a dégagé des plis de la laine 2 effrayants bras de momie et elle marche. Elle avance. je la suis. Laquelle de ces tombes? Celle-ci? Oui, elle se jette dessus, s'y cramponne à deux mains crispées. Bourda. Bourda. Ici. Ici. D'un geste machinal pour me découvrir, comme on fait sur les tombes chrétiennes, je porte la main à mon front, puis je la laisse retomber. J'oubliais quel costume j'ai repris pour venir ici. Le fez turc ne s'enlève jamais, même pas pour prier Dieu. Et je me penche sur le marbre d'un bleu éteint, cherchant, parmi les inscriptions d'or que je ne sais pas déchiffrer, cherchant son nom. Tous ces gens qui me regardent, tout ce groupe, tout cet appareil presque théâtral, il aurait fallu pouvoir venir seul. Je prends note des alentours avec une extrême attention pour ne pas me tromper de chemin quand je reviendrai demain. J'aurai le temps encore, le paquebot qui m'emmène ne part qu'à 3 heures de l'après-midi. Je viendrai seul te voir, pauvre petite. Je passerai la matinée de demain avec toi. Maintenant, allons-nous-en. Ces 3 vieilles qui cousent, les porteurs qui piétinent le sol. Partons. Bien étrange en vérité cette visite si courte, si froide. Ce pèlerinage auquel depuis 10 ans je rêvais. Depuis 10 ans que les hasards de mon métier de mère me promènent à tous les bouts du monde. Jamais je n'avais pu revenir là. Jamais, jamais je n'ai pu tenir le solennel serment de retour qu'en partant j'avais fait à Asiadé. Un châtiment sans merci m'en a constamment empêché. Pendant tellement d'années, je n'ai rien su d'elle, qui fut la bien-aimée, à qui je croyais m'être donnée jusqu'à l'âme, pour le temps et pour les au-delà infinis. Peu à peu, notre histoire à deux s'est perdue, mais sans finir. Un temps viendra où de tout ce rêve d'amour, rien ne restera plus. Un temps viendra où tout sera englouti avec nous-mêmes dans la nuit profonde, où tout ce qui était nous aura disparu, tout, jusqu'à nos noms gravés sur la pierre. Quand un amour a grandi et s'est élevé jusqu'à des aspirations vers d'éternelles durées, et que nous avons pourtant pris conscience que l'avenir ne sera jamais, on a besoin de jeter les yeux en arrière. Le présent paraît insuffisant, on essaie de reprendre le passé. C'est ainsi chez nous tous. À qui ressemblais-tu quand tu étais une jeune fille amoureuse? Comment était ton visage, ton allure? À quoi rêvais-tu quand tu étais un jeune homme? J'ai tenu à vous conter mes premières joies d'amour. J'ai voulu vous faire cadeau de ce temps-là. J'ai repris mes vêtements turcs pour ressembler à ce que jadis j'ai été. Seul maintenant, je chemine à cheval au milieu de ces landes funéraires. Seul sous ce ciel bas et obscur. Seul, aussi loin que je puis voir. Seul, infiniment. M'apparaît au milieu des autres tombes la petite borne bleue aux inscriptions d'or. J'attache mon cheval aux branches d'un cyprès. Je m'approche. Un peu de vent se lève, semant sur ce pays des morts des gouttes de pluie fouettante. À l'orientation de la borne, je sais la position du corps chéri qui est enfoui sous la terre rousse. Et je m'étends doucement et j'embrasse cette terre. Au-dessus de la place où doit être le visage mort. Tu comprends que je t'aime, Asiadé, puisque j'ai fait pour te retrouver ce long voyage. Je sens que nous sommes là, tout près, voisins, séparés seulement par un peu de cette terre dans laquelle on l'a couché sans cercueil. Nos corps sont de nouveau presque réunis. Maintenant, Asiadé est vivante. Je revois son sourire, son regard profond sur le mien, son regard des derniers jours. J'entends sa voix. Je retrouve ces insaisissables choses d'elle que j'ai adorées. Alors, rien d'autre n'existe plus. Ni le grand décor, ni les ambiances étranges. Il n'y a plus rien qu'elle-même. Et je pleure à chaudes larmes, comme j'avais désiré pleurer. Je me relève apaisé, avec une tristesse différente. Tout à coup, même sa destinée à elle me paraît moins sombre. Elle s'en est allée, elle, en pleine jeunesse, n'ayant eu que ce rêve d'amour et le baiser que je suis venu donner à sa tombe. Personne, sans doute, n'en viendra donner un semblable à la mienne. Au pied de la borne de marbre, parmi les petites plantes qui sont là, je choisis une des plus fraîches que j'emporte avec moi. Puis, encore, j'embrasse son nom écrit en relief de marbre et recouvert d'or éteint. Et je remonte à cheval, me retournant de loin pour la revoir au milieu de sa solitude. Le soir, accoudé à l'arrière du paquebot qui m'emporte, je regarde, comme il y a 10 ans, s'éloigner Istanbul. Puis le crépuscule tombe, comme un grand voile jeté sur tout. À la sortie du Bosphore, dans la mer noire, la nuit nous prend tout à fait. Et tout s'apaise. S'apaise en moi, de plus en plus. Tout s'éloigne, retombe dans un lointain plus effacé. Dans mon enfance, je me souviens d'avoir lu l'histoire d'un fantôme qui venait timidement le soir appeler de la main les vivants. Il revint ainsi pendant des années, jusqu'au moment où quelqu'un ayant osé le suivre, on comprit ce qu'il demandait et on lui donnait satisfaction. Eh bien, ce rêve angoissant qui pendant tant d'années m'avait poursuivi, ce rêve d'un retour à Istanbul toujours entravé et n'aboutissant jamais, ce rêve ne m'est plus revenu depuis que j'ai accompli ce pèlerinage. Ce rêve était sans doute l'appel du fantôme d'Asiadé, auquel j'ai répondu, et qui ne se renouvelle plus. Vous venez d'entendre Le fantôme d'Asiadé, dernier épisode. D'après les romans Asiadé et Fantôme d'Orient de Pierre Loti. Adaptation Florian Azoulay et Xavier Gallet. Lu par Xavier Gallet. Musique originale Olivier Innocenti. Conseillère littéraire Emmanuelle Chevrière. Prise de son, montage, mixage Julien Douminc, Pierre Henry. Assistante à la réalisation Justine Dibling. Réalisation Baptiste Guiton.